du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ton Dieu est fidèle, ma sœur, ne pleure plus. Dieu ne t'a pas oublié. C'est vrai que ton dossier tarde. C'est vrai que tu es persécuté au niveau de ta famille. C'est vrai que tu connais des combats. Mais le Seigneur, il est avec toi. Prends courage. Il va te relever. Il va te tirer. Tout ce qu'il t'a montré s'accomplira. Prends courage. Ton Dieu est fidèle. Commence à proclamer sa fidélité. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fille de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Réveille. Et toi, nous allons prier. Chasse cet esprit de découragement qui commence à envahir ton âme. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 2, du verset 11 au verset 16. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre texte du jour, c'est Romains 2, 11 à 16. Car devant Dieu, il n'y a point d'accession des personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne le jugement divin. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Nous savons ici sur la terre, il y a des gens, ils jugent selon l'intimité, selon les liens. Lorsqu'ils voient que c'est un pauvre, par exemple, qui n'a pas l'argent, bon, il peut banaliser les choses. On tient compte de celui-ci parce qu'il est de mon ethnie, parce qu'il est de tel pays, de tel village. Chez Dieu, il n'a pas ça. Il n'y a pas de corruption. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui vivent dans la magistrature, soyez justes. Inspirez-vous des modèles divins. Dieu ne fait exception de personne, même dans l'église. Nous ne devons pas seulement considérer les riches, les gens qui ont de belles voitures et nous méprisons les autres. Dieu ne fait exception de personne. Et même dans sa manière de juger, il ne fait exception de personne. Le jugement divin tiendra compte de la lumière reçue. Vous savez, nous tous n'avons pas reçu le même degré de lumière. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Quel est le sort de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Vous voyez, la réponse est ici, au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si toi, on t'a prêché l'évangile, tu as entendu parler de Jésus-Christ, Dieu va te juger sur cette base-là, sur le fait que, par exemple, on t'a prêché l'évangile. Au lieu de te convertir, tu as entendu parler, mais tu t'es endurci. Tu as endurci ton cœur et tu ne t'es pas donné à Christ. C'est sur cette base-là. Mais ceux qui n'ont pas entendu parler de Christ, il y a d'autres facteurs, d'autres critères que Dieu va utiliser. Par exemple, Dieu peut utiliser la révélation naturelle. Dieu s'est révélé par la nature, la création, par d'autres moyens tels que la conscience. C'est-à-dire, Dieu va les juger sans la loi, en tenant compte de la lumière qu'ils ont reçue. C'est pourquoi, ce qui est beaucoup plus grave, c'est ceux qui ont entendu aujourd'hui, comme toi qui m'entends. tu es chaque matin, tu écoutes OSB. Tu vas au culte, tu vas à la messe, mais tu ne te répands pas. Tu vis toujours dans la sorcellerie, tu vis toujours dans l'occultisme, tu vis toujours dans le mensonge, tu vis dans l'ivrognerie. Toi, ton jugement sera plus grave parce qu'on t'a prêché, tu connais la vérité, mais tu ne changes pas de vie. Deuxième vérité. Ceux qui sont justifiés ou qui seront justifiés devant Dieu, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais ce sont ceux qui mettent en pratique sa parole. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui se limitent, qui se bornent seulement à écouter. Vous suivez les enseignements, vous partez dans toutes les veillées de prière, surtout toi, ma sœur. Combien de veillées? Dans tous les programmes, tu es là. Les programmes organisés par toutes les églises, tu es là. Les programmes organisés par tous les ministères, tu es là. Mais ta vie ne change pas. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que tu ne fais qu'écouter, écouter, tu admires les hommes de Dieu. Et celui-là, il a l'onction, celle-là, il prêche bien, c'est une prophétesse. Il m'a dit même ma vie. Mais qu'est-ce que ces enseignements font dans ta vie? C'est-à-dire que tu ne pratiques pas. Vous voyez la différence? Et tu ne seras pas justifié. Parce qu'ici, ceux qui seront justifiés, ce sont ceux qui pratiquent. Vous voyez? Il y a une différence entre écouter et pratiquer. Le verset 13 dit, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » C'est pourquoi, dans une autre épître, l'apôtre Jacques va dire, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas vous-même en vous trompant par de faux raisonnements. » Troisième vérité, « Dieu s'est révélé à nous de manière naturelle, par la conscience. » La conscience fait partie de la révélation naturelle de Dieu. Si même quelqu'un, on ne t'a pas parlé de Jésus, mais au niveau de ta conscience, la conscience, cette faculté que Dieu nous a donnée, qui nous permet d'avoir la conscience du bien, du mal. C'est-à-dire que même quand on était païen là, il y a des actions, quand tu veux faire quelque chose, tu te dis ça, ce n'est pas bon. C'est pas dit, Dieu t'a donné la conscience. Même sur la base de ta conscience, Dieu peut te juger. Il peut te dire, est-ce que es-tu réellement conscient que, est-ce que peux-tu dire que tout ce que ta conscience t'est reproché là, toi, tu t'abstenais de faire? Voyez? Ta conscience. C'est pourquoi il est dit au verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est pourquoi vous ne devez pas être étonné de voir que parmi même ceux qu'on appelle païens, il y a des gens qui ont un comportement quand même de moralité, parfois qui dépasse même celui des chrétiens, parce qu'en eux, ils suivent, il y a une conscience qui peut leur permettre de dire cet acte que tu fais est mauvais, cet acte que tu fais est bon. Quatrième et dernière vérité, Dieu jugera par Christ, les actions secrètes des hommes. Il y a beaucoup de gens qui paraissent justes, mais en secret, ils commettent des choses, des abominations. Je vais parler à une jeune fille. Ça fait combien de fois tu as fait le curetage pour faire les avortements? Ça fait plus de 2 fois. Mais j'aimerais te dire que ce que tu fais là n'est pas bon. Arrête avec cette vie. Parce que ça risque de te conduire à la mort. Est-ce que tu comprends cela? Arrête de sortir. Toi, une petite fille comme ça, tu sors avec des papas de plus de 40 ans, 50 ans. C'est dangereux. Parfois, lorsque tu vas à l'école, tu ne vas pas à l'école. Tu t'en vas dans les hôtels. Tout ce que tu fais en secret dans les chambres d'hôtel avec des gens de l'âge de ton père, ce n'est pas bon. Repends-toi. Le Seigneur te dit, le Saint-Esprit me charge de te dire, repends-toi. Ce n'est pas bon. Dieu va juger les actions secrètes, tout ce que tu caches là. Je vais parler à un jeune. Tu as l'habitude de voler l'argent de ton père. Ça fait combien de fois que tu as détourné? Tu as pris l'argent dans le sac de ton père et de ta mère. Tout ce que tu fais en secret. Peut-être que tu dis la vie ne sait pas, il ne peut pas savoir. Mais Dieu va juger les actions secrètes. Est-ce que tu comprends? Dieu va juger tout ce qu'on fait. Je parle à un monsieur. Lorsque ta femme va en voyage, tu restes commettre des bêtises jusqu'à ce que tu fais entrer des copines dans la chambre conjugale. Est-ce que tu ne sais pas ce verset qui dit que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure? Et tu t'étonnes de ce que ces derniers temps, il y a des problèmes de maladie, des problèmes de santé dans ta maison. C'est parce que tu as ouvert la porte. Ce que tu fais là n'est pas bon. Dieu va juger les actes secrets. Dieu va juger ceux qui commettent des détournements en secret. Des gens qui vivent dans les pratiques mystiques. Tu viens à l'église, mais la nuit, tu fais des projections astrales.

sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Notre émission de prière s'appelle OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains 2, 12 à 16. Oui, vous pouvez écouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Et si vous avez un témoignage concernant cette émission, veuillez nous contacter sur notre site web de la Radio Fréquence Vie ou sur notre Facebook. Pour dire le bienfait des OSP dans votre vie, où que vous soyez. Nous venons de voir plusieurs vérités. Nous venons de voir que Dieu va nous juger selon la lumière que nous avons reçue. Bien-aimés dans le Seigneur, prions surtout pour nous qui avons entendu l'Évangile. Nous suivons des prédications, nous suivons des enseignements, mais la vie ne change pas. Dieu va nous juger beaucoup plus sévèrement. Prions pour que Dieu nous donne un esprit de repentance, afin que nous puissions pratiquer la parole de Dieu, que nous ne puissions pas nous borner seulement à écouter. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Très excellent Père, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, ô Père éternel, parce que chaque fois que je tourne vers toi les regards, je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvre point de honte. Ce privilège n'est pas réservé à ma seule personne, mais à tous ceux et à toutes celles qui ont reçu ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que tu nous donnes l'esprit d'humilité, que tu fasses en sorte, ô Père éternel, que lorsque nous recevons tes enseignements, lorsque nous recevons ta parole et que nous la mettons en pratique, qu'elle apporte un changement dans notre vie, qu'elle apporte une transformation dans notre vie. Nous prions contre tout obstacle, contre tout blocage à la transformation de nos vies à l'image du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout blocage. Nous prenons autorité contre toute forme de manipulation satanique, contre toute forme de distraction, contre toute forme de diversion dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais en sorte que l'accès de ta parole apporte une transformation dans notre vie. Fais en sorte, ô Père éternel, que l'accès de ta parole nous donne assez d'humilité pour la mettre en pratique. Fais en sorte, ô Père éternel, que l'accès de ta parole édifie notre foi. Parce que tu le dis dans ta parole, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Merci, Père éternel, pour cet esprit d'humilité qui demeure en nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ô Père éternel, à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent encore sans Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas encore Jésus, mais qui de manière naturelle quand même ont conscience que Dieu existe. Parce que Dieu nous a donné la conscience. Mais j'aimerais dire que la conscience ne suffit pas, même s'il fait partie de la révélation naturelle. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie de moralité qui est bonne. Mais prions maintenant pour qu'ils puissent faire un autre pas, qui est celui maintenant de donner leur vie à Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, afin qu'ils changent de vie. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que ta parole est la vérité, elle est la lumière sur notre chemin, une lampe sur nos pieds. Nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Louange à toi parce que quand le riche est mort, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham et tu as dit que d'envoyer des gens. Le riche a demandé que des gens viennent informer ses parents que la vie éternelle est une réalité. Et Seigneur, n'as-tu pas dit que sur la terre, il y a les prophètes, il y a les serviteurs de Dieu, il y a la parole de Dieu qui les écoute. C'est une réalité. C'est une réalité. Tu existes par la nature que tu as créée, par la conscience, par la parole. Et chaque jour, les moyens sont utilisés pour que la parole soit véhiculée. Nous prions ce matin que ta parole qui est véhiculée, qui est enseignée, qui est prêchée, Seigneur, que des cœurs soient touchés, que des vies soient vivifiées, soient touchées, et que les hommes se tournent vers toi. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est ton désir. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous t'en supplions, notre Dieu. Nous te prions ce matin que des vies soient touchées au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu va juger les actions secrètes. Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun s'examine. Qu'est-ce que tu fais en secret? Il y a même dans nos églises les choses que les gens font en secret. Des choses ignobles, des gens qui vivent dans le mysticisme, des gens qui se disent pasteurs, qui font des choses honteuses, qui sortent avec des jeunes filles. Ce sont des choses honteuses qui se font en secret. Des femmes mariées qui trompent leur mari, des hommes mariés qui trompent leur femme. Toutes ces actions secrètes, prions pour que tous ceux qui commettent ces choses se repentent dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils changent de vie, afin que le juste jugement de Dieu n'éclate pas contre leur vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, condamnons ces choses au nom de Jésus. Nous élevons ton nom, toi qui es saint, toi qui es pur, toi qui connais tout, toi dont rien n'est étranger devant ta part, devant ta face. Ce matin, je reconnais, je sais une chose, que si tu venais maintenant, beaucoup de tes serviteurs, beaucoup de tes servantes seraient mis de côté parce qu'ils ont des pratiques, parce que nous avons des pratiques certainement qui sont ignobles, qui sont méchantes, qui sont mauvaises. Dans le secret, nous pratiquons, Seigneur, le péché. Nous sortons avec des filles, nous sortons avec des femmes d'autrui. Nous volons l'argent de l'Église, nous mentons, nous utilisons notre autorité pour bafouer, pour vivre dans l'orgueil. Ce matin, le psalmiste pouvait dire, « Aie pitié de nous, et mon péché est constamment devant moi. Je reconnais que j'ai péché, et mes transgressions, oui, sont nombreuses. Prends pitié, sanctifie, purifie tes enfants, lave-nous comme, Seigneur notre Dieu, des enfants irréprochables, sans tache ni ride. » Donne-nous, Saint-Esprit, de nous tourner à toi et de faire ton œuvre et de faire ce qui est convenable, juste, parfait, en pensée, en acte et en parole, pour hériter de tes promesses, pour vivre dans l'abondance, dans la joie, pour être réconcilié avec toi, pour aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, pour bénéficier de toute ta bonne œuvre de ta part, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Mais je voudrais rappeler que nous avons notre programme Bonheur conjugal pour les célibataires, pour les dimanches qui arrivent. Mais nous le ferons en deux services. Compte tenu de la salle qui ne peut pas abriter du grand monde. Alors, si vous venez au premier service, venez au plus tard 16h. Nous commençons jusqu'à 18h. 18h, nous commençons le second service jusqu'à 20h. Le thème que nous allons exploiter, quitter la cendre pour porter les diadèmes. Ésaïe 61, verset 3. La cendre symbolise l'humiliation. Jusque-là, tu n'étais pas encore marié et les gens se moquent de toi. Mais j'aimerais te dire que nous allons prier de manière spéciale pour que tu quittes l'humiliation, pour que cette année, tu portes les diadèmes, une couronne de gloire, une couronne de mariage où le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie, où ceux qui se moquent de toi seront dans la confusion. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant.